L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Neuvième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme, le beau-père de Linda, ma fille, Akan von Henke, ancien officier de marine, et quelques jours plus tard sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Akan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage. Quand la police de Stockholm m'avait annoncé la découverte du cadavre de Louise dans une forêt, tout nous avait porté à croire qu'espionne au service des Russes, elle s'était suicidée. Là-bas, au nord, il existe un pays de neige et de froid, de contrées mystérieuses et de secrets oubliés. C'est la contrée des trolls, de ceux qui glissent au creux des pierres des paroles enfouies. Combien de temps entre sommeil et éveil, dans cette brume, où sont-ils, les gens, les souvenirs? Est-ce le froid ou encore cette ombre qui s'étend? J'entendais l'alarme depuis ma voiture. Qu'est-ce que tu foutais? C'est la plaque chauffante, il y a un dessous de plan plastique qui a fondu dessus, on dirait. T'as oublié un truc sur le feu toute la nuit? Pas toute la nuit, je me suis levé à 5 heures pour faire une tisane. Tu te souviens de ce qu'on disait l'autre jour? Que quand Clara serait un peu plus grande, elle pourrait venir passer du temps chez toi? Parlons calmement, s'il te plaît. Ça t'est jamais arrivé d'oublier d'éteindre une plaque? Qu'est-ce que tu fabriques dans ta cuisine, en feu, avec ton arme à la main? Tu réalises? C'est pas qu'un oubli, tout ça est en train de te monter à la tête. Regarde-toi, tu manges à peine, tu dors plus. T'en as beaucoup des oublis comme ça? J'ai toujours été comme ça. Je suis distrait, tu le sais bien. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que t'as dans ton sac, une enclume? J'y crois pas, je dois supporter tes mensonges en plus. Je ne mens pas. Tu parles, j'ai vu Lennart. Ils t'ont obligé à consulter un neurologue. Pourquoi tu m'as rien dit? Vraiment, ça peut pas continuer. Tu peux plus rester seule. D'ailleurs, ça tombe bien, je viens m'installer chez toi, de toute façon. Quoi? Avec Clara. Hors de question. T'es pas en position de négocier. Tu préfères qu'on aille chez maman? Je suis partie de la maison. Mais pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile, mais tu dois garder la tête. J'ai vu Akan. Hier, à Copenhague. C'est une blague? C'était lui, je te dis. C'était sa démarche, c'était son manteau, c'était lui, papa. J'étais passée au bureau de Hans pour m'excuser et j'ai vu Akan qui remontait la rue piétonne depuis le canal. Tu lui as parlé? Non. Le temps que je réalise et que je traverse la rue, il avait disparu. Il y avait plein de gens, des taxis, des terrasses, je l'ai perdu. Il m'a pas vue, mais je suis sûre et certaine que c'était lui. Tu en as parlé à Hans? Non. Je suis rentrée, j'ai pris la petite et je suis partie. Je crois que Akan était venu pour le voir, papa, que Hans l'aide et qu'il nous ment depuis le début. Je sais plus à qui me fier. Peut-être qu'il ne te ment pas. Hans ne l'a peut-être pas encore vu. En tout cas, ça change tout. Hans ou pas Hans, Akan a forcément de l'aide, de l'argent et une planque. Et ça signifie que soit il se cache des tueurs, soit c'est lui qui s'est occupé de Louise. Il faut prévenir Itterberg. C'est incroyable. Y a pas le moindre doute. Non, Itterberg, c'était bien lui. Tu m'appelles encore en conduisant, là? Non, non, je suis arrêté. C'est que j'allais t'appeler. Nos collègues des services secrets sont sur les dents, ils font pression pour qu'on arrête l'enquête. Les microfilms ont été authentifiés. Il s'agit bien d'informations militaires top secret. Mais alors, pourquoi les avoir laissés dans son sac? Il faut reconsidérer toute l'histoire. On peut se demander si Akane et Louise ne travaillaient pas ensemble. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait un couple d'espions. On peut aussi les avoir mis après. Que dit le gendre? Je rejoins ma fille et on va lui demander. Elle tient de toi, ta fille? J'en ai peur. Il travaille pour une compagnie financière qui s'occupe de hedge funds. Me demande pas ce que c'est, j'ai jamais rien compris. En gros, c'est des fonds d'investissement. Ils gèrent beaucoup d'argent et passent beaucoup de temps ici. Bonjour Christian. Hans est dans son bureau? Oui, je le préviens de votre arrivée. Non, inutile. On va lui faire une petite surprise. C'est toi qui parles, hein? Compte sur moi. Surprise! Nina? Hans, je vais pas y aller par quatre chemins. Ce matin, je suis partie de la maison. Et si tu veux que je revienne, t'as intérêt à répondre honnêtement à mes questions. Oula, oula. Et de quelles questions tu parles? J'ai pas l'intention de te mentir. Ouais, pas encore, mais ça va peut-être venir. J'ai vu ton père hier. Hein? À deux rues d'ici. Mon père? En vie? T'es sûr que c'était lui? Et pourquoi il est pas là alors? Il se cache? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai pas parlé. Et toi? Moi? Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? Je savais même pas qu'il était encore vivant. Hans, si tu me mens... Linda, je te promets, je te mens pas. Ok, alors qu'est-ce qu'il faisait dans ton quartier? Ici, il n'y a qu'une seule chose à faire, retirer de l'argent. Attends, c'est facile, on va vérifier. Ah non, je comprends pas, il n'y a aucun mouvement récent. S'il n'a pas besoin d'argent, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, quelqu'un l'aide. Et si ce n'est pas toi, alors c'est qui? Mais j'en sais rien! Arrête! Depuis des années, à chaque fois que je mets le sujet sur la table, tu évites la question. Est-ce que ton père a un compte caché? Non, pour la dernière fois, non. Écoute-moi bien. C'est la mère de ta fille qui te parle. Si tu sais quelque chose, tu le dis maintenant. Sinon, je ne rentrerai plus jamais à la maison, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Si tu dis qu'il était dans le quartier, je sais peut-être où il est. Ce serait formidable. Il y a des années, je l'ai croisé par hasard. J'ai voulu le rattraper et il est rentré dans un immeuble. J'ai cru qu'il avait une maîtresse et j'ai préféré faire comme si j'avais rien vu. C'est lâche, je sais, mais c'était il y a des années, je m'en souvenais même plus. Comment ça pourrait avoir un rapport avec ce qui se passe maintenant? Laisse-nous décider de ce qui a un rapport ou non. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez, c'est tout près d'ici. On a la meilleure vue possible sur l'immeuble. S'il se pointe, je suis obligée de le voir. Madame, monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert? Deux cafés, s'il vous plaît. Deux cafés, c'est parti. Ton mec, tu penses qu'il est sincère? Je l'aime. Et c'est le père de mon enfant, papa. Alors oui, je pense qu'il est sincère. Tu sais à quoi je pense? On a eu un coup de fil l'autre jour. Une femme assez âgée nous a appelés, très gentille, pour savoir si on avait eu des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Fanny et qu'elle était à la fête d'anniversaire de Hakan. J'ai parcouru la liste des invités et la seule Fanny que j'ai trouvée faisait partie du personnel. Pourquoi quelqu'un du personnel s'inquiéterait pour Hakan? Et voici, deux express. Merci. Tu veux dire que ce serait elle, sa maîtresse? J'en sais rien. Mais j'ai eu un peu l'impression que cette femme essayait de sonder ce que nous savions sur la disparition. Mais attends, regarde. Regarde! C'est Atkins! Je sais ce que vous devez vous dire tous les deux. Ça m'étonnerait fort. Où est-il, monsieur Atkins? Je suppose que vous parlez de Hakan. Je ne sais pas où il est. Arrêtez de mentir, je l'ai vu hier à deux pas d'ici. Alors, elle est en vie. Mais arrêtez, bon sang. À qui voulez-vous faire avaler vos simagrées? Je suis resté quand j'ai appris la mort de Louise. Je ne pouvais pas repartir. Quelque chose m'en a empêché. Et vous êtes allé voir Signe? C'était vous l'oncle mystérieux avec le drôle d'accent? Mais j'avais peur, pour elle et pour nous. Peur de qui? Je peux vous servir à boire? Non, merci. Vous devez d'abord être sûr d'une chose. Hakan n'est pour rien dans la mort de Louise. Il aimait sa femme plus que tout au monde. pour comprendre. Il faut commencer par le commencement. Remonter au tout début, dans les années 60. Louise enseignait l'allemand et s'occupait des espoirs de l'équipe des plongeuses suédoises. C'est comme ça qu'elle a commencé à se rendre régulièrement en RDA. Håkan était déjà officier dans le commandement suprême opérationnel de la marine suédoise. À ce titre, plusieurs soirs par semaine, il rapportait chez lui des documents, dont certains étaient classés « secret défense ». Il rangeait tout dans une armoire sous clé. Quand remarque-t-on que quelque chose n'est pas tout à fait normal? À quel moment les signes imperceptibles deviennent-ils perceptibles? En tant que policier, vous devez souvent être confronté à ces situations où l'on perçoit des signaux diffus. Toujours est-il qu'il a fini par sentir que quelque chose clochait. L'impression que ces documents avaient été déplacés. La seule personne à savoir où se trouvait la clé était Louise. Louise, encore elle. Il a fini par l'interroger et la nier. Pourquoi s'intéresserait-elle à son armoire et à sa paperasse ennuyeuse? Il a choisi de la croire. Mais de mois en mois, la sensation s'est intensifiée. Alors, un jour, il s'est résolu à en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes. Il a fabriqué un faux document qu'il a marqué lui-même « Secret Défense », avec un lieu et une heure précise d'un exercice imaginaire. Il l'a caché dans son armoire et l'a attendu. Le jour J, sous un prétexte quelconque, il a balayé la zone où il avait indiqué le faux exercice. Il s'est rendu compte que deux chalutiers étaient au rendez-vous, bardés d'antennes et de tout l'équipement des bateaux de surveillance de la marine russe. Il m'a appelé et il était détruit. Il disait que plus rien ne pourrait être comme avant. Il ne savait pas si elle avait agi seule ou si elle servait de fournisseur à un agent plus haut placé, mais elle avait trahi. C'était une certitude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a cessé de rapporter des documents à la maison. Ils ont continué à vivre comme ça? C'est invraisemblable. Ils partageaient un secret sans être certains de ce que l'autre savait ou ignorait. Et puis Håkan a fini par oublier, jusqu'à ce que tout bascule à nouveau. L'épisode des sous-marins dans les années 80. Exactement. Les rumeurs sont reparties bon train, et ça a été épouvantable pour Håkan. Grignoter des brioches avec ses collègues en discutant d'un possible espion qui pouvait fort bien être sa femme, il est passé par tous les états, le désespoir, l'espoir en se disant qu'il se faisait des idées, la culpabilité aussi. Un jour, il a été convoqué pour interrogatoire par les services de sécurité de l'armée. Il a fait partie de ceux qui ont été soupçonnés et il lui fallait ajouter à ce stress-là celui de se dire qu'il n'y avait aucune issue pour lui. Qu'il soit lui-même en cause ou sa femme, cela revenait au même. Un jour, il m'a dit que si Louise vendait effectivement des secrets militaires aux Russes, elle s'était trouvée la couverture idéale avec lui. Et il avait raison. Bref, il ne savait plus où il en était. C'est à partir de cette époque qu'il a commencé à louer cet appartement. Il avait besoin d'un endroit dont sa femme ignorait l'existence, un endroit sûr où on pourrait se retrouver pour prendre des notes, tendre des fils, réfléchir. C'est ici qu'a été écrit le cahier que j'ai trouvé dans la chambre de Signe? Ben oui, c'est ici. Mais Håkan le rédigeait seul. Je ne comprends toujours pas le rapport avec ce qui se passe en ce moment. Håkan m'a téléphoné il y a 2 mois environ. Il voulait m'inviter à une fête d'anniversaire qui n'avait d'autre prétexte que d'être une sorte de conclusion à tout ça. Sa vie, sa carrière. De conclusion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'apprêtait à dénoncer Louise. Mais peu de temps avant ce fameux jour, il a commencé à se sentir menacé. Il se sentit suivi où qu'il aille. Il recevait des coups de téléphone anonymes. Louise aurait su qu'il allait parler? En tout cas, il s'est caché parce qu'il avait besoin de gagner du temps, de réfléchir. Au moment de la disparition de Louise, il avait déjà pris sa décision. Il allait communiquer les éléments dont il disposait au service de renseignement de l'armée. C'est lui qui vous a demandé d'aller à la clinique récupérer le livre de signes ? Oui. Et là-bas, vous êtes tombé sur Louise et vous vous êtes vengé ? Non, je n'aurais jamais pu faire de mal à Louise. Donc, ni vous ni Akane n'êtes pour quelque chose dans sa disparition ? Ça voudrait dire quoi ? Que les anciens employeurs de Louise auraient senti le coup venir et auraient voulu l'empêcher de parler coûte que coûte ? Certains secrets ne doivent jamais être dévoilés. Bien sûr. Il ne faut surtout pas que les trolls éclatent. Pas vrai, monsieur Atkins ? Mais... C'est un bel aquarium que vous avez là. C'est vous qui l'avez aménagé ? Oui, je suis aquariophile depuis tout petit. Ça m'aide à réfléchir. Les petits galets au fond sont très jolis. Dites-nous où ils se trouvent. Je vous jure que je n'en sais absolument rien. C'est toujours lui qui entre en contact avec moi. Je suis sûre que Akane reviendra ici. Reste dans le coin et surveille l'appartement. Moi, je vais quand même essayer de trouver cette Fanny dont tu parlais qui vous a appelé. Tout a commencé après cette soirée. Elle s'appelle Fanny Klarström. Tiens, regarde, j'ai son adresse. Merci. J'aimerais juste vérifier quelque chose avant et je fonce. Ok, moi j'y vais. Tu me tiens au courant. Olof à l'appareil. Bonjour professeur, commissaire Wallander à l'appareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous m'aviez aidé sur une enquête il y a quelque temps de cela. Je me souviens parfaitement de vous. L'homme trouvé mort sur la plage. C'est ça. Vous travaillez toujours au laboratoire de géologie. J'aurais besoin de vous expédier deux échantillons de roches, des galets, que j'aurais souhaité comparer. Je suis à l'aéroport, j'entre juste un incongru au Chili. Je vais étudier vos prélèvements dans l'après-midi. Merveilleux. L'un provient d'une plage près d'Uto, l'autre d'un aquarium. Je vous les envoie tout de suite. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Fanny Klarström. Elle habite toujours ici ? Deuxième appartement à gauche. Merci. Y a pas de quoi, monsieur. J'ai effectivement servi à la soirée d'anniversaire. Les temps sont difficiles, vous savez. Je continue à faire des extras tant que je le peux. Même si les vieilles serveuses ont les pieds qui enflent, elles connaissent leur métier. Vous et Akane étiez proches ? Pas vraiment, non. Je l'ai rencontré il y a un peu plus de 20 ans, lors d'une soirée privée organisée pour des officiers de marine. À l'époque, ils en faisaient environ une par mois. Ça payait très bien. Mais il fallait supporter leurs discours conservateurs et arrogants. J'étais très militante à l'époque. Communiste. Le parti m'avait demandé d'assister à ces soirées pour me tenir au courant. Nous, le petit personnel, on nous voyait à peine. Hein. On pouvait laisser traîner une oreille sans même qu'on s'en aperçoive. Mais ça n'avait rien d'illégal. J'ai tenu un an, et puis j'ai donné ma démission. Et comment vous êtes-vous retrouvé à servir à nouveau dans une de ces soirées d'officiers, après tout ce temps ? C'est Fanenke qui m'a rappelé. J'étais surprise qu'il me retrouve, mais je n'allais pas cracher sur son argent. À l'époque, une seule de ces soirées pouvait rapporter presque un mois de salaire. Comment était-il à l'époque ? Est-ce que lui ou sa femme vous avait paru étrange ? Sa femme n'était jamais là. Lui était discret, beaucoup plus que d'autres, avec leurs histoires grivoises et leurs opinions politiques virulentes. Son leitmotiv était que nous devions intégrer l'OTAN et acquérir l'arme nucléaire, coûte que coûte, et le plus vite possible. Toutes ces conversations portaient sur le combat entre Dieu et le diable. Et le diable venait de l'Est. Oui. Et Dieu le Père avait pour nom États-Unis d'Amérique. Il y avait des accords secrets entre l'état-major et le gouvernement. Les aviateurs américains avaient carte blanche pour traverser notre espace aérien sans que nos stations radars donnent l'alerte. Idem pour les sous-marins. Comment ça, les sous-marins ? Vous avez forcément entendu parler de ces histoires. Karlskrona en 80 et Musco en 82. Mais il s'agissait de sous-marins russes. En 80, oui. Savoir ce qui se cachait dans le détroit en 82, c'est une autre paire de manches. Après l'incident de 80, ils ont souvent trinqué à la santé de ce pauvre capitaine russe, tellement ivre qu'il avait foncé droit sur nos rochers. Mais en 82, personne n'a porté le moindre toast au moindre capitaine russe. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? L'ennemi, c'était les Russes, point barre. Que les États-Unis puissent eux aussi se servir de nous et violer notre intégrité territoriale n'a jamais traversé l'esprit de personne. Les Russes avaient des espions en Suède, mais personne ne voulait admettre que les Américains de leur côté ne restaient pas inactifs non plus. Vous pensez que le sous-marin qui a fait couler tant d'encre en 82 n'était pas russe, mais américain ? C'est ce que je pense, oui. Excusez-moi. Allô ? Commissaire Wallander, Olof à l'appareil. J'ai fini d'analyser les échantillons de roches que vous m'avez envoyés. Dites-moi. Les pierres sont identiques. Vous en êtes sûr ? Certain. La composition minéralogique est très typique. Je suis formel, elles proviennent du même endroit. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Bonne fin de journée, commissaire. À vous aussi. Excusez-moi. Les journaux ont parlé de la disparition du couple von Hencke. Je suis navrée pour eux. Louise von Hencke a été retrouvée, morte. Mon Dieu. Et lui, toujours porté disparu ? Plus pour longtemps. Je crois que je sais où il se trouve. C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne. Neuvième épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Bertrand Suarez-Passos, Hans von Hencke, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Etterberg, Alan Wenger, Steve Atkins, Yann Tassin, le standardiste de la banque, Bastien Bouillon, le serveur du café, Marc-Henri Boisse, Hans Olof, le géologue, Francis Coffinet, le jardinier, Françoise Gaziot, Fanny Klarström, et Natacha Mendes, Fanny Marie, Lucas Enaf, Jean-Luc Vincent, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain.